Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre, l'amour qui chante doucement dans mon cœur, l'amour qui danse lentement dans mon cœur, sans magie à la raison. L'amour et moi, nous sommes un, nous sommes un. All right.